Les persécutions. Au début de la quatrième année de la mission prophétique, et pour une période de plusieurs mois, les polythéistes se contentèrent de harceler les croyants selon les procédés mentionnés précédemment. Mais constatant la futilité de ces manœuvres et leur inefficacité, ils organisèrent une assemblée générale et élirent un comité de 25 notables Quraishites avec à leur tête Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à de longues délibérations, ce comité décida de n'épargner aucun effort pour combattre la foi nouvelle. Ils décidèrent de calomnier le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de soumettre les nouveaux convertis à différentes sortes de tortures. Ces mesures étaient faciles à mettre en œuvre contre les nouveaux convertis qui étaient effectivement faibles. Quant au prophète alayhi salatu wa sallam, il n'était pas facile de lui nuire parce qu'il était magnanime, vénérable et doté d'une personnalité exceptionnelle. Ses ennemis comme ses amis ne pouvaient que le respecter, et seuls osaient commettre des actes mesquins contre lui, la lie des gens et les sots. De plus, Abu Talib, son oncle, qui était d'une noble descendance et qui avait autour de lui un clan puissant imposant le respect, le soutenait. Cette situation préoccupait fortement les infidèles, mais ils sentaient qu'ils ne pouvaient plus faire preuve de patience ou se montrer tolérants face à une prédication qui voulait anéantir leur autorité religieuse et leur prééminence temporelle. Abu Lahab prit lui-même l'initiative d'entreprendre cette nouvelle série de persécutions. Il se mit à infliger à Muhammad, alayhi salatu wassalam, d'innombrables épreuves dictées par la haine et la rancune. Il lui jeta des pierres et obligea ses deux fils à divorcer de leurs épouses respectives, Ruqayya et Kulthum, les deux filles du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Il se réjouit avec malveillance de la mort du second fils du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah, l'appelant à cause de cela l'homme dépourvu de progéniture mâle. Il lui emboîta également le pas lors du pèlerinage et des grandes rencontres afin de démentir ses paroles. Tariq, fils de Abdullah al-Muharibi, a rapporté qu'il ne se contentait pas seulement de cela, allant jusqu'à lui lancer des pierres qui le blessaient au talon. Sa femme, Jamil, fille de Harb, la sœur d'Abu Sufyan, ne restait pas inactive dans cette campagne impitoyable. Elle prouva qu'elle n'avait rien à envier à son mari en matière de haine et d'inimitié contre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Elle prit pour habitude de confectionner des fagots de broussailles et d'épines attachés par des cordes de fibres de feuilles de palmier entortillées qu'elle éparpillait tout au long des chemins que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait emprunter afin de le blesser physiquement. Elle était une femme acariâtre, au comportement détestable et au langage grossier, très douée pour nouer des intrigues et allumer les feux de la discorde et de la sédition. Dans le noble Coran, elle a été qualifiée à juste titre de porteuse de bois. En apprenant cette nouvelle, elle se rendit directement à la mosquée avec une poignée de cailloux afin de les lancer contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Dieu détourna son regard du prophète, sallallahu alayhi wassalam, et elle n'aperçut qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui était assis auprès du messager, sallallahu alayhi wassalam. Elle s'adressa à lui en menaçant de fracturer la mâchoire de son compagnon, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses cailloux. Et elle récita un vers empreint d'une grande insolence. « Au réprouvé, nous désobéissons. Son appel, nous rejetons. Et sa religion, nous détestons. » Quand elle fut partie, Abu Bakr se tourna vers le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui assura qu'elle ne l'avait pas vu parce que Dieu avait détourné son regard de lui. Dans la version d'Abu Bakr al-Bazzar, nous lisons que lorsque Jamil est arrivée auprès d'Abu Bakr, elle dit « Oh Abu Bakr, ton compagnon nous a satirisés. » Abu Bakr rétorqua « Par le Seigneur de cet édifice, la maison de Dieu, ce qu'il dit n'est point de la poésie. » Et elle dit alors « Tu crois donc vraiment en lui ?» Abu Lahab et les siens prirent pour habitude de harceler honteusement de la sorte le messager sallallahu alayhi wa sallam en dépit des liens de sang qui les liaient. Abu Lahab étant l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que son voisin. En fait, presque tous les voisins du prophète sallallahu alayhi wassalam cherchèrent à lui occasionner des nuisances. Ibn Ishaq a rapporté que les personnes qui faisaient du mal à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wassalam, alors même qu'il était chez lui, sont des voisins d'Abu Lahab, Orqba, fils d'Abu Mu'ayt, Adi, fils de Hamra al-Thaqafi, et le fils d'Al-Asda al-Hudali. Il lançait les entrailles d'une brebis dans sa marmite ou sur son dos alors qu'il priait. Lorsque ses voisins lui jetaient des abats, il sortait au seuil de sa maison, les portant au bout d'un bâton et disait « « Ô fils de Abd Manaf, quelle protection est la vôtre ?» Puis il les jetait aux ordures et rentrait chez lui. Al-Bukhari a rapporté, d'après Abdullah fils de Mas'ud, radiallahu anhu, l'anecdote suivante. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné pendant la prière auprès de la Kaaba, Abu Jahl demanda à ses compagnons d'apporter le placenta d'une chamelle et de le jeter sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus misérable de ces gens-là, Uqba fils d'Abu Mu'ayt, se détacha du groupe et rapporta le placenta. Puis attendit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna. À ce moment, il plaça le placenta sur son dos entre les deux omoplates. Témoin de cette scène, je n'y pouvais rien, si au moins j'avais quelque puissance sur laquelle je pouvais compter. Alors les infidèles se mirent à rire. Pendant ce temps, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était resté prosterné et il ne releva pas la tête jusqu'au moment où Fatima survint. Elle retira la saleté du dos de son père. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leva la tête en disant à trois reprises « Ô mon Dieu, à toi de tirer vengeance des Quraysh !» Cette malédiction peina vivement les Quraychites car ils pensaient que toute invocation faite à la Mecque devait être exaucée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna chacun nominativement et dit « Ô mon Dieu, charge-toi d'Abu Jahl, charge-toi de Utba, fils de Rabi'a, de Shayba, fils de Rabi'a, d'Al-Walid, fils de Utba, d'Umayya, fils de Khalaf, et de Uqba, fils d'Abu Mu'ayt. » Et il en désigna un septième, dont le nom n'a pas été retenu. « Par celui qui tient mon âme dans ses mains, je les ai tous vus morts dans le puits de Badr. » Le colportage de ragots et les calomnies figuraient aussi parmi la panoplie des moyens que les chefs mécois en général et Umayya fils de Khalaf en particulier employaient dans leur processus de malfaisance. À ce propos, Dieu dit « Malheur à tout calomniateur diffamateur. » Sourate 104, verset 1. Utba, fils d'Abu Mu'ayt, assista un jour dans une assemblée à un prêche sur l'islam prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ami intime à lui, Ubay, fils de Khalaf, apprit cela. Il ne pouvait pas tolérer un pareil acte. Aussi fit-il des reproches à Utba et lui ordonna de cracher sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il accomplit sans ressentir de honte. Ubay ne ratait jamais une occasion de nuire au messager alayhi salatu wa sallam par tous les moyens possibles et imaginables. Une fois, il écrasa de vieux os décomposés et les soufflant en direction du visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akhnas, fils de Shuraiq al-Thaqafi, ne cessait d'injurier et de discréditer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce mécréant, le noble Coran a énuméré 9 traits de caractère abominables dont il faisait preuve. Dieu dit, selon le sens du verset, et n'obéit à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela, bâtard. Abu Jahl venait parfois écouter l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran, mais refusait de croire en lui, de se montrer courtois ou de craindre Dieu. Au contraire, il faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et détournait les gens de la voie de Dieu, arrogant et satisfait de son comportement, comme s'il ne faisait aucun mal. C'est à son sujet que Dieu révéla, selon le sens du verset, « Fala saddaqa wa la salla » Il n'a pas cru et il n'a pas prié. Sourate 75, verset 31. Il a, de plus, voulu interdire l'accès du sanctuaire sacré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, priait près de la Kaaba, il s'avança vers lui, menaçant et proférant des injures. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le réprimanda sévèrement, et Abu Jahl lui rétorqua en guise de défi qu'il appartenait au clan le plus puissant de la Mecque. Dieu révéla alors, selon le sens du verset, qu'il appelle donc son assemblée. Sourate 96, verset 17. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit Abu Jahl à la gorge, le secoua énergiquement en disant « Malédiction sur toi et malédiction, puis malédiction sur toi et malédiction » qui sont les versets 34 et 35 de la sourate 75 selon les sens du verset. Il dit alors « Ô Muhammad, tu me menaces ? Par Dieu, ni toi ni ton Seigneur pouvez quoi que ce soit contre moi, car je suis l'homme le plus puissant qu'ait connu la Mecque. » En dépit de ses reproches, Abu Jahl n'est jamais revenu à la raison. Il s'enfonça au contraire encore davantage dans la perfidie. Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Abu Jahl dit au Quraishite « Muhammad continue-t-il à marcher tout doucement au milieu de vous ?» Ils dirent « Oui ». Il dit alors « Par Allah et Al-Uzza, dès que je le verrai, j'écraserai son cou avec mon pied et je lui jetterai du sable au visage. » Et à peine se mit-il en marche, en vue d'accomplir cet ignoble acte, qu'on le vit revenir en arrière en cherchant à se protéger à l'aide de ses mains, comme si quelque chose d'horrible le poursuivait. Ses amis lui demandèrent les raisons de cette retraite. Il dit « J'ai aperçu comme un fossé de feu ardent s'interposer entre moi et lui, et des ailes qui battaient. » Plus tard, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, commenta cet incident en disant « S'il s'était avancé, les anges lui auraient arraché les membres les uns après les autres. » Tel était donc le traitement dégradant qui fut infligé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le grand homme, infiniment respecté par ses compatriotes et protégé par son oncle influent, Abu Talib. S'il en fut ainsi pour Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de ses adeptes, surtout les plus faibles d'entre eux, qui n'avaient pas de clan pour les défendre? Les différentes tribus firent goûter à leurs membres ayant adhéré à la nouvelle foi différentes sortes de supplices. Quant à ceux des musulmans qui étaient faibles et sans protection aucune, les seigneurs de la Mecque ainsi que les personnes les plus méprisables les soumettaient à une torture insoutenable. Toutes les fois qu'Abu Jahl entendait parler de la conversion d'un homme d'ascendance noble et jouissant de la protection de son clan, il le réprimandait et le menaçait de ruiner son négoce ou de flétrir sa réputation. Et si le nouveau converti était socialement faible, il le frappait rudement et dressait contre lui les gens. L'oncle de Othman, fils de Affan, avait pour habitude de couvrir ce dernier d'une natte composée de feuilles de palmier qu'il en fumait. Quand la mère de Mus'ab, fils de Omer, apprit la conversion de son fils, elle le priva de nourriture et le chassa de chez elle. Ce brutal changement de condition de vie provoqua le dessèchement de sa peau ainsi qu'une grave dégradation de son aspect physique. Bilal, l'esclave d'Umayya, fils de Khalaf, fut sévèrement battu par son maître dès que celui-ci apprit sa conversion à l'islam. Parfois, on attachait une corde à son cou et des enfants le tiraient dans les rues et même à travers les collines de la Mecque. On le soumettait également quelquefois à une privation prolongée de nourriture et d'eau. D'autres fois, il était attaché à l'heure méridienne sur le sol brûlant de la vallée de la Mecque, en position allongée, et de lourdes pierres étaient posées sur lui. D'autres abominations lui furent aussi infligées afin d'essayer de lui faire renier sa foi nouvelle. Tout cela se révéla vain, et il persista dans sa croyance en l'unicité de Dieu, ne cessant de répéter « unique, unique ». Il en fut ainsi jusqu'au jour où, passant auprès de lui, Abu Bakr proposa à Umayya, fils de Khalaf, de lui donner un esclave noir en échange de Bilal. On dit aussi qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, le racheta moyennant une somme d'argent et l'affranchit. Ammar, fils de Yasir, était un confédéré des Banu Makhzoum, qui avec son père et sa mère, adopta l'islam dès le début de la prédication. Les associateurs, notamment Abu Jahl, les emmenaient à l'heure où le soleil devenait brûlant dans la vallée de la Mecque et les y laissaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut profondément ému par les atrocités qui accablaient cette famille. Il ne cessa de les réconforter par ses paroles « Soyez fermes, votre lieu de repos au paradis vous attend. » Yasir, le père de Ammar, mourut suite à ces épreuves. Soumeya, sa mère, fut poignardée au cœur par Abu Jahl et mérita ainsi le titre de première femme martyre de l'islam. Ammar, lui-même, fut constamment soumis à diverses tortures afin de le forcer à insulter Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou à louer Al-Lat et Al-Uzza. Sous la contrainte, il finit par satisfaire l'attente des négateurs, sans toutefois renier sa foi. Il vint alors trouver le prophète, alayhi salatu wa sallam, pour s'excuser de son comportement. Dieu révéla à la suite de cela le verset suivant, selon le sens du verset, « كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. Celui qui a renié Dieu après y avoir cru, sauf celui qui a été contraint, tandis que son cœur est plein de la sérénité de la foi. Sourate 16, verset 106. Les négateurs attachèrent une corde au pied d'un confédéré des Banu Abdiddar, Abu Fakiha, de son vrai nom Aflah, puis le traînèrent à travers les rues de la Mecque. Rabbab, fils d'Al-Arat, confédéré d'Umm Anmar, fils de Siba al-Khuza'iyya, constitua aussi une proie facile pour la répression. Et à maintes occasions, il fut victime d'outrages similaires à ceux déjà cités auparavant. Les polythéistes mécois le tenaient par les cheveux et lui tordaient le cou, et l'allongeaient sur des charbons ardents et posaient une grosse pierre sur sa poitrine afin de l'empêcher de fuir. Certains musulmans, qui jouissaient d'un bon statut social, étaient enveloppés dans des peaux de chameaux rugueuses et jetés à terre, tandis que d'autres étaient placés dans des armures et lancés sur le sable brûlant sous le soleil ardent de la péninsule arabique. Même les femmes converties ne furent pas épargnées, et leur liste est trop longue pour les citer en intégralité. Zinnira, An-Nahdiya et sa fille, ainsi qu'Umm Ubays, eurent leur pleine part de souffrance. Omar, fils d'Al-Khattab, alors associateur, frappait une esclave des Banu Mu'ammil, ne la laissant que lorsque l'ennui le gagnait. Abu Bakr, qui était un musulman aisé, racheta la liberté de ses femmes esclaves, tout comme il le fit pour Bilal et Amir, fils de Fuhayra. La maison d'Al-Arqam. Devant la gravité de ces persécutions inhumaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugea qu'il serait désormais plus sage pour ses partisans de cacher leur conversion. Il décida de les rencontrer secrètement, de peur que les Qurayshites apprennent ses projets et prennent des mesures qui l'empêcheraient de purifier les musulmans en leur enseignant le livre et la sagesse. Il voulait aussi éviter toute confrontation ouverte avec les polythéistes, car une telle attitude à ce stade précoce de la prédication serait contraire à l'intérêt de la cause de l'islam, encore vulnérable et ne possédant pas d'assises solides. Un jour, pourtant, au cours de la quatrième année de la mission prophétique, un groupe de mécréants aperçurent les musulmans qui priaient dans les collines de la Mecque. Aussitôt, ils se mirent à insulter les croyants et les frappèrent. Sa'd, fils d'Abu Waqqas, parvint à donner un coup violent à un polythéiste qui se mit alors à saigner. Ce fut le premier sang versé en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, continua à proclamer sa foi en Dieu et à prêcher l'islam ouvertement avec insistance, animé d'une profonde conviction. Mais pour le bien-être des musulmans et en considération de l'intérêt stratégique de l'islam, il rencontra, depuis la cinquième année de sa mission, ses partisans de manière secrète, dans la demeure d'Al-Arqam al-Makhzoumi, sur le mont As-Safa.